Chapitre 11. Il écrivit deux lettres, une à sa mère, l'autre à Jeanne, et à 11 heures, paré et souriant, il se rendait avenue Gabriel à l'hôtel d'Hermanny. Le maître de la maison, témoin de son adversaire, ouvrit des yeux un peu hébétés à l'apparition de cet hôte inattendu. Mais il se remit aussitôt et lui fit grand accueil, trouvant, comme il le dit plus tard, que la chose était crâne, correcte, et qu'elle prouvait un estomac périsseur. La blonde madame d'Hermanny, plus belle, plus sombre et plus perverse que jamais, vit que monsieur de Lerne semblait chercher quelqu'un dans la foule, et, le regardant dans les yeux, lui dit brièvement « Deuxième porte à gauche, dans la serre, sous le troisième palmier à droite. Et dites que je ne suis pas bonne ?» Il la salua gravement et suivit l'indication. On pénétrait des salons dans la serre par deux arcades, dont l'une était réservée à l'installation de l'orchestre. La serre était elle-même un vaste salon à coupole, offrant un pêle-mêle magnifique d'énormes vases bleus à torsades d'or, de cuves cloisonnées, de statues de marbre à demi cachées dans la verdure. Des divans bas, entourés de tabourets et de pliants, s'étendaient sous des larges éventails de palmiers, sous les lianes pendantes aux pâles fleurs de cire, sous les feuillages vernis et les épaisses corolles blanches des magnolias. Une chaude odeur de forêt tropicale saturait l'air, et on entendait sortir des groupes de causeurs établis, çà et là, un bourdonnement de ruches, qui se levait de temps à autre, par éclats soudains, pour dominer les sonorités bruyantes de l'orchestre. Dans un de ces groupes, sous le troisième palmier à droite, se trouvait Jeanne de Morescan, prêtant une oreille distraite à 3 ou 4 soupirants d'âge divers. En apercevant Jacques, elle eut tout à coup cet épanouissement du visage, ce plein sourire que les femmes réservent à leurs enfants et à leurs amants, et que leurs maris connaissent plus rarement. Il suffit de ce sourire pour rassurer Jacques et le convaincre qu'aucun bruit relatif à l'événement du lendemain n'était arrivé aux oreilles de Jeanne. À l'arrivée du comte de Lerne, les astres secondaires qui avaient gravité jusque-là autour de la jeune femme s'éclipsèrent successivement avec un mélange de dépit et de déférence, car tout en calomniant généralement les relations de madame de Morescan et de son amie, généralement aussi on y sentait quelque chose qui méritait le respect. Mais avant de se trouver seul en tête à tête avec Jeanne, monsieur de Lerne avait eu le temps de faire à part soi quelques réflexions amères. Debout en face d'elle, il lui semblait, tant il était frappé par son élégante beauté, qu'il la voyait et l'admirait pour la première fois. Elle portait, avec la chasteté de Diane, les modes indécentes de ce temps et montrait, hors de son mince corselet sombre, son buste presque entier et ses bras souples et purs. Ses cheveux noirs, plantés un peu bas comme ceux des déesses, étaient tordus simplement en un lourd chignon qui retombait sur la nuque. Sa tête, attirée en arrière par leur poids, se dressait un peu raide dans une pose fière et victorieuse. Elle se sentait en beauté et elle en riait, laissant entrevoir l'éclat de ses dents entre la pourpre de ses lèvres un peu épaisses. Devant cette créature charmante, animée de toutes les grâces de l'intelligence et de toute la vie de la passion, Jacques ne put se défendre d'un mouvement presque sauvage de désir, de regret et de colère. Il l'avait respectée, il s'était fait cette violence. Il avait eu cet héroïsme fou, et voilà comment il en était récompensé. Avec l'étrange et rapide pénétration des femmes, madame de Morescan parut surprendre quelque chose de cela dans les regards ardents et troublés du jeune homme. Une faible rougeur passa sur ses joues brunes. Elle tourmenta son éventail avec un peu d'embarras et levant son front presque timidement. « Vous n'avez pas vos bons yeux ce soir, » lui dit-elle. « Qu'est-ce qui vous prend ?»« Vous êtes si belle, » dit Jacques d'une voix basse. « Vous me faites mal. « Ça passera, » dit-elle en riant. « Voyons, mon ami, pas d'observation de ce genre-là. À quoi cela sert-il »« Est-ce que vous redevenez matérialiste ?»« Je le suis passablement pour le quart d'heure. »«